tu à l'heure de me livrer, je te salue. À mon cœur détenu, tu es cher. Délivre la parole qui me libère. Juste un mot, Marie, juste un mot, qu'il soit mon paradis. Ce dernier mot, Marie, juste un mot, Marie, juste un mot, que soit ce qui fut écrit au dernier jour, Marie. De mes erreurs passées, que vois-tu? Suis-je mort ou blessé, parti ou absolu? Du fond de ma cellule, pauvre chair, c'est le sang du vaincu qui coule sur la terre. Juste un mot, Marie, juste un mot, qu'il soit mon paradis. Ce dernier mot, Marie, juste un mot, Marie, juste un mot, que soit ce qui fut écrit au dernier jour, Marie. Se fissurent les courbes de mes veines, en déchirant les murs, pénètre la lumière auprès des survivants qui témoignent pour se luire aux confins des courants qui souhaitent à demeurer juste un mot. Qu'il soit mon paradis, ce dernier mot, Marie, juste un mot, Marie, juste un mot, que soit ce qui fut écrit au dernier.